vas-y là. Bon, des fois, je trompe. On descend. On va mettre un peu de sang là. Écoute, Milos. Elle est pas terrible, celle-là. Version rap bien américain. Whispering to love, Ah, ça va aussi. Hein. Sweet dream of melodies, everybody wants you. Sweet dream of melodies. Le bordel, hein. pas là, Bilos. C'était pour lui que c'était ça. We'll be right back.

Thank you. Bye. Thank you. nice weapons you got there.